travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Tourmente économique, la détresse des chefs d'entreprise, c'est le thème de notre émission. Notre invité est Olivier Torres, président de l'Observatoire à Maroc et professeur à l'Université de Montpellier. Bonjour Olivier Torres, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de cette invitation. Aujourd'hui, on parle plus des grands groupes que des petites entreprises. Est-ce que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont été épargnés par la crise sanitaire et le confinement ? Ah ben non, ils n'ont pas été épargnés. C'est vrai qu'on parle beaucoup des grands groupes. Je dis toujours que les PME sont partout, sauf dans les livres et pas beaucoup dans les médias. On parle toujours des géants, des GAFA, on parle du Fordisme, du Toyotisme. Mais j'aime bien rappeler que 99,84% des entreprises en France sont des PME. Pendant le Covid, Amaroc a lancé une grande enquête. Les résultats semblent indiquer que pour les chefs d'entreprise, la peur de déposer le bilan est plus importante que celle de contracter gravement le Covid-19. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, c'est peut-être surprenant, parce que quand on interroge 1925 chefs d'entreprise de toute la France sur les facteurs qui causent le plus de détresse mentale, on se rend compte que c'est l'idée, la perspective de déposer le bilan, de faire faillite, qui est pour eux le plus terrifiant, et en tout cas plus que de contracter gravement la maladie du coronavirus. Et ça renvoie à l'idée que le travail est existentiel chez les chefs d'entreprise. Que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, j'aime bien le rappeler, entre 50 et 55 heures par semaine, lorsque les chiffres de la DARES, le ministère du Travail, montrent que pour le français moyen, on est à 39 heures. Et puis, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent plus d'heures par jour, plus de jours par semaine, plus de semaines par an, et plus d'années dans une carrière. Et donc, pendant ce Covid, le fait de se dire que peut-être leur entreprise dans laquelle ils ont investi une partie de leur patrimoine allait disparaître, c'est certainement ce qui a été le plus déstabilisant pour eux. Et aujourd'hui, ces entrepreneurs ont été en sous-activité. Est-ce que ça a des effets aussi nocifs que le trop-plein d'activité ? Ah, alors je dirais que étonnamment, la moindre activité a déstabilisé davantage ces hommes et ces femmes habitués à un rythme frénétique. Et on a mis en évidence ce que j'ai appelé, avec mon équipe, un épuisement d'empêchement. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir agir, et je dirais presque d'avoir des difficultés à réfléchir, parce qu'à un moment donné, on est dans une telle incertitude qu'on a du mal à voir ce qui est une contrainte de ce qui est une opportunité, eh bien ça a fortement déstabilisé le patronat français, et on s'est rendu compte en utilisant une échelle de mesure qui est, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais qui est l'échelle de Pines, qui est une mesure d'épuisement, on s'est rendu compte que depuis 10 ans, on atteignait des records pendant cette période d'inactivité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une dégradation de la santé mentale des chefs d'entreprise ? Oui, il y a eu une dégradation. Alors, je n'ai pas été alarmiste parce que quand on regarde dans le détail, on s'est rendu compte que les facteurs les plus déterminants étaient le sentiment d'impuissance et le fait d'être coincé. Alors qu'en général, quand on interroge les chefs d'entreprise, c'est plutôt le fait de mal dormir, d'être fatigué. C'est aussi le j'en ai marre, vous savez, lié à la lassitude d'une suractivité. Et donc, justement, je reviens à cette idée d'épuisement, d'empêchement. J'étais pas alarmiste à la mesure où je me suis dit que le jour où l'économie reprendrait ses droits, ces facteurs-là s'estomperaient. Ce qui est d'ailleurs le cas, parce qu'on a remesuré plus récemment cette échelle, et on s'est rendu compte effectivement que le niveau, le sentiment d'être impuissant et d'être coincé avait considérablement baissé.